savoir ma belle où s'en va la tire d'elle, l'oiseau qui chantait sur le rond. Je te le dirai, ma belle, il vole vers qui l'appelle, vers celui-là. Savoir ma blonde, pourquoi sur terre et sur l'onde, la nuit tout s'anime et s'unit. Je te le dirai, ma blonde, c'est qu'il est une heure au monde, au loin du jour, au loin du jour, veille l'amour. Savoir Sylvie, pourquoi j'aime à la folie tes yeux brillants et langoureux. Je te le dirai, Sylvie, c'est que sans toi dans la vie,